Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 29 mars 2023. Voici les grands titres de cette édition. Des Burundais réfugiés au Congo voisin n'ont plus envie de rentrer au pays. Aucun convoi n'a été reçu depuis le début de cette année 2023. Le directeur général chargé du rapatriement au Burundi indique qu'ils vont renforcer le système de rapatriement de tous les Burundais. Nestor Humanimana était à Uvira ce mardi pour une réunion tripartite Burundi-RDC-HCR. Vous l'entendrez dès le début de ce journal. Le taux du dollar s'envole. Il s'échange contre 4000 francs burundais ou plus. Vous l'entendrez aussi. Et dans la chronique parle, rassure-moi, un expert nous expliquera que la manipulation de la réalité conduit à la méfiance. Alors que, en actualité sous-régionale, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a rendu public son rapport préliminaire sur la situation en RDC qu'il juge alarmante, particulièrement dans trois provinces de l'Est. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Ouvrons ce journal par cette nouvelle de justice. 7 ans et 6 mois de prison ferme, une amende de 100 000 francs burundais, ainsi qu'un dédommagement de 2 millions de francs burundais. C'est la condamnation du tribunal de grande instance d'Ngozi à l'endroit d'Ezekiel Minani, un enseignant du lycée urbain d'Ngozi. Il s'est rendu coupable de viol sur son élève de 18 ans, en profitant, selon le tribunal, de sa faiblesse physique et intellectuelle. Ezekiel, lui, avait promis des points dans le cours de mathématiques qu'il dispense en vue de lever son échec. Cet enseignant va écoper aussi de 10 ans de contraintes par corps en cas de non-paiement de cette somme d'argent. Le tribunal de grande instance d'Ngozi lui a également interdit d'exercer toute fonction publique au Burundi. Les défenseurs des droits humains réclament le retour de cet enfant à l'école. Il avait été renvoyé définitivement par le conseil professoral. Je venais de vous le dire. Le nombre de Burundais rapatriés du Congo a sensiblement diminué. Le directeur général chargé du rapatriement au Burundi explique que depuis 2023, aucun convoi n'a été reçu. Nestor Humanimana l'a dit ce mardi lors d'une réunion tripartite entre le Burundi, la République démocratique du Congo et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, une réunion qui s'est tenue à Uvira. Il indique qu'ils vont renforcer le système de rapatriement de tous les Burundais. On l'écoute. Nous avons observé un phénomène de réduction sensible des effectifs à partir du Congo. De façon que depuis 2023, nous n'avons reçu aucun convoi en provenance de la RDC. Cela a attiré notre attention et voilà, après avoir convoqué cette réunion, nous avons tiré profit pour en débattre de pourquoi il y a réduction sensible des effectifs et des réfugiés burundais qui rentrent. Et nous avons débattu de cette dimension, de cette question et des solutions probables sont en train d'être trouvées. Nous avons appris ce phénomène. Disant qu'il y a le retour encore en asile des rapatriés. Mais cela est douteux. On doit d'abord engager des investigations, engager des vérifications pour savoir si réellement c'est le mouvement de recyclage qu'ils font. Nous encourageons les réfugiés burundais qui sont en asile ici au Congo ou ailleurs de retourner au pays parce que rien ne peut justifier qu'un Burundais puisse continuer à torpiller dans les pays d'asile. Le Burundi est un pays épris de paix, de sécurité, pour un développement inclusif, parce qu'on ne veut pas de ces personnes en arrière en matière de développement. C'était Nestor Bimenyima, directeur général du rapatriement au Burundi. Nous reparlerons de la RDC avec ce rapport de l'ONU qui décrit une situation alarmante dans les provinces de l'Est, je le disais, dans les titres. Le taux de change des devises varie chaque jour selon la quantité de devises reçues par les échangeurs. Ils expliquent aujourd'hui le prix de vente pour un dollar se négocie entre 4080 francs burundais au marché noir, alors que dans les maisons de change, il se vend à 3900 francs burundais. On fait le point avec Ciela Ornella Kazé. Le taux de change des devises change du jour au jour. Selon la situation dans laquelle ceux qui font l'échange trouvent ces devises. Certains échangeurs qui n'ont pas voulu s'exprimer sur nos micros disent qu'aujourd'hui le dollar se négocie entre 4000 et 4080 francs burundais et cela dépendra de l'entretien entre le client et le vendeur. Dans les bureaux d'échange aujourd'hui, le taux du jour est de 3980 francs burundais pour l'achat d'un dollar. À la BRB, le taux de change pour ce mercredi montre que 1 dollar s'achète à 2061 francs burundais et se vend à 2095 francs burundais. Ces échangeurs du marché noir signalent qu'il y a deux semaines, le prix d'un dollar était à 4150 francs burundais. La diminution du prix d'achat d'un dollar est due à l'insuffisance des devises en circulation et ceux qui font l'échange précisent que même peu qu'ils trouvent proviennent déjà venus de l'extérieur. Ces échangeurs demandent au gouvernement de tout faire pour que ces devises soient disponibles sur le marché afin que ceux qui en ont besoin en trouvent facilement. Ils disent que le manque de devises fait que les prix des différents produits augmentent sur le marché parce que les produits importés sont achetés en devises. Pénurie de devises, nous reparlerons de la pénurie du sucre qui s'observe encore en mairie de Bujumbura. Là, c'est tout à l'heure. Mais avant cela, nous ouvrons la rubrique la chronique sur les messages de haine. Parle, rassure-moi. Proférer des mensonges, poser des actes causant du tort aux autres sont quelques-unes des causes de la méfiance envers les autres. Explication du professeur et expert en leadership, Acherny Onizigiye, qui ajoute que la déshumanisation conduit au message de haine. Pour prévenir le développement de la méfiance, cet expert suggère qu'il faut éviter de manipuler la réalité. Mireille Kanyang. La perte de confiance en quelqu'un aboutit à la méfiance et résulte de différents points, notamment quand l'on prononce des mensonges, précise Acher Neonizigie, enseignant et expert en leadership. Pour perdre la confiance dans une personne donnée, généralement il y a des choses qui arrivent, soit la personne a proféré des mensonges, elle a dit des choses qui ne sont pas vraies, et à un certain moment on finit par se dire « cette personne-là, je ne peux pas croire ce qu'elle me dit ». Et si je ne crois pas ce que la personne me dit, finalement, je ne lui fais plus confiance. Deuxièmement, ça peut aussi provenir des actions. Si quelqu'un, par exemple, pose des actes qui mettent en danger les vies des autres, qui peuvent causer du tort aux autres, parce que, simplement, il a des intérêts dedans, à un certain moment, les victimes de ces actions ne peuvent plus lui faire confiance parce qu'ils le perçoivent comme une mauvaise personne, comme un danger pour eux. Les éléments catalyseurs de la méfiance sont entre autres les paroles négatives sur l'autre, ce qui aboutit à des actions violentes, poursuit-il. Lorsque la confiance a été perdue, les gens commencent à dire des choses négatives sur la personne en qui elles n'ont plus confiance. Et c'est dans cette phase-là, lorsqu'il y a des paroles négatives qui se prononcent, que nous aurons des éléments catalyseurs. Si par exemple, les gens commencent à pointer du doigt que l'autre, c'est notre ennemi, cela va attiser la haine et la haine finira par se manifester par des actions violentes. Ou si les gens pointent du doigt vers une personne donnée, disant que c'est lui qui est responsable de nos malheurs, cela va attiser le désir de vengeance. Et la vengeance, c'est toujours mauvais, c'est toujours violent, c'est brutal. Donc les éléments catalyseurs commencent dans les paroles. Pour éviter que la méfiance soit à l'origine de la prolifération des messages de haine, il faut que les propos contre l'individu visé soient discutés et débattus, selon toujours cet expert en leadership. Pour éviter que la méfiance se convertisse ou se développe en message de haine, il faut que la raison qui est à la source de cette méfiance soit exposée. Si ce sont des propos que la personne a fait, il faut que ces choses-là qui ont été dites soient discutées, soient débattues de façon ouverte. Et comme ça, les gens ont le temps d'exprimer leur point de vue. Et à la fin, ils ont la chance de trouver un terrain d'entente. Mais si la méfiance a été causée par des actes d'un individu donné, il faut que cela aussi soit exposé. Il ne faut pas protéger quelqu'un qui a fait du tort aux autres. Il faut qu'il réponde de ses actes. Quand les gens voient que la justice a rectifié le tir, c'est vrai que la personne qui est à la cause de leur souffrance sera toujours perçue comme un problème, mais au moins, il n'y aura pas désir de vengeance parce qu'on aura vu que la justice a fait son travail. Cet expert conseille les gens à ne pas manipuler la réalité ou de changer l'histoire afin de prévenir le développement des messages haineux. Sinon, dit-il, l'on finit par aliéner les membres d'une communauté. Mireille Kanyang, je venais de vous le dire, une pénurie de sucre s'observe encore à Mairie de Bujumbura. Les consommateurs de ce produit expliquent qu'ils ne l'obtiennent que difficilement, en prix variant entre 4 000 et 5 000 francs burundais le kilogramme. Ces consommateurs demandent au gouvernement de trouver une solution à cette question. Le détail avec Anissé, stagiaire à notre station. Certains habitants de la ville de Bujumbura témoignent qu'il est difficile de trouver du sucre ces jours-ci et que les rares boutiques qui en disposent le vendent à un prix variant entre 4 500 et 5 000 francs. Sopara, rencontré dans un quartier de la mairie, se plaint que ses enfants ne prennent plus de thé le matin avant d'aller à l'école, ce qui impacte négativement les résultats. S'il y a une pénurie de sucre, il y a beaucoup de problèmes qui s'observent. Et surtout pour les élèves qui vont à l'école, qui vont en faire les examens. Quand ils vont à l'école faire les examens sans boire du thé ou bien du bouilli, ça cause beaucoup de problèmes à propos de leur mémoire à l'école. Même si vous cherchez les sucres partout aux boutiques ou bien dans des différentes alimentations, vraiment il n'y a absolument aucun kilo qui s'observe là. Donc il y a une quasi-totalité de pénurie de sucre. Ces consommateurs de sucre demandent au gouvernement de trouver une solution à cette pénurie d'un produit aussi essentiel dans les ménages. Nous demandons au gouvernement à ce qu'il fasse tout moyen possible pour que les sucres soient là, pour que chaque individu burundais qui veut utiliser ou bien qui veut acheter le sucre, qu'il puisse l'acheter sans aucun problème. Cette question de la pénurie du sucre sur le marché avait été résorbée depuis quelques mois par l'administration. D'aucuns pensent que cette situation serait liée à la réouverture de certaines entreprises de production de diverses sortes d'oji. Anissé Niyomukiza, stagiaire à notre station. Une courte pause, c'est pour annoncer la rubrique internationale de ce journal. Actualité internationale. Antonio Guterres a rendu public son rapport préliminaire sur la situation en RDC. Dans ce document qui couvre la période du 1er décembre 2022 au 20 mars 2023, il décrit une situation alarmante, particulièrement dans les provinces de l'Est de la RDC, avec une forte augmentation de la violence perpétrée principalement par les forces alliées démocratiques, ADF, la coopérative pour le développement du Congo, CODECO, et le mouvement du 23 mars M23. Le secrétaire général de l'ONU appelle une fois de plus ce mouvement à respecter le cessez-le-feu afin de créer les conditions de son retrait total et effectif de toutes les zones, en particulier dans les zones rurales. Il s'est dit également alarmé par l'escalade des tensions entre la RDC et le Rwanda, en dépit du déploiement de plusieurs troupes étrangères dans la région. Antonio Guterres encourage les deux parties à régler leurs différends par le dialogue et les mécanismes existants de résolution des conflits. Et au Sénégal, malgré l'interdiction de la préfecture, la coalition d'opposition Yewi Askan, oui, a maintenu son appel à des manifestations ce mercredi 29 mars à Dakar et jeudi lors du procès d'Ousmane Sonko, poursuivi pour diffamation par le ministre du Tourisme. Sa précédente convocation le 16 mars avait provoqué des heurts dans la capitale. Dans un contexte de vive tension, la justice a dénoncé mardi l'existence d'un groupe visant l'insurrection. Des élucubrations, selon Ousmane Sonko. En vue d'éventuels nouveaux troubles, l'université de Dakar et les écoles du pays sont fermées. Les vacances de Pâques ont été anticipées. Et le gouvernement du Botswana a répondu mardi aux accusations de l'ex-président du pays, Yann Kama, installé en Afrique du Sud depuis 2021. Ce dernier a taxé d'autoritarisme et de menace pour la démocratie le gouvernement de son successeur, Mongwetsi Masisi. L'administration actuelle a qualifié ces attaques de scandaleuses. L'ancien chef de l'État de 70 ans, qui a quitté le pouvoir en 2018 après deux mandats, avait pourtant désigné Masisi comme candidat pour reprendre la relève. Yann Kama a promis une campagne féroce pour détrôner son successeur et prévoit de rentrer au pays pour incarner l'opposition et former une coalition. Il devra toutefois répondre à la justice à son retour au pays en décembre. Les autorités du pays ont émis un mandat d'arrêt contre l'ancien président pour possession illégale d'armes à feu. Il est 13h10 à Bujumbura et sur Isanganiro. Et avant de boucler définitivement ce journal, je vous en rappelle les grandes articulations. Les Burundais réfugiés au Congo voisin n'ont plus envie de rentrer au pays. Aucun convoi n'a été reçu depuis le début de cette année 2023. C'est ce que nous a dit le directeur général chargé du rapatriement au Burundi, qui indique qu'ils vont renforcer le système de rapatriement de tous les Burundais. Nestor Bimenyimana était à Uvira ce mardi pour une réunion tripartite Burundi-RDC-HCR. Vous l'avez suivi et ses propos ont été recueillis par notre correspondant à Uvira, Jérémy Kouhima. L'auto du dollar s'envole, il s'échange contre 4000 francs burundais ou plus, vous l'avez suivi. Et dans la chronique « Parlez, rassure-moi », un expert nous a expliqué que la manipulation de la réalité conduit à la méfiance. Et je viens de vous le dire, Antonio Guterres a rendu public son rapport préliminaire sur la situation en RDC. Le secrétaire général des Nations Unies juge alarmante cette situation, particulièrement dans trois provinces de l'Est. Merci à vous tous d'avoir suivi ce journal. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à Eric Ouimana pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco d'Ouimana. Passez un très bon après-midi.